Le village s'ennuie, je m'ennuie avec lui. Pourtant il fait très beau et les épis nouveaux sont gorgés de soleil. Le moulin tourne bien et de très loin l'on vient boire un cidre vermeil. De ma chambre j'entends des jeunes gens chantant de gais refrains d'antan. De mon balcon je vois des amours parfois s'égarer dans les bois. La lune autour de nous met des diamants partout. Et l'or du matin dans le ciel est un ruissellement de miel. Mais alors, me direz-vous, si tout est si beau, si doux, de qui et de quoi le village et moi peuvent-ils bien s'ennuyer ainsi? Pour les militaires. Touchez pas, touchez pas, touchez pas, touchez pas à la cantinière. C'est pas pour, non c'est pas, non c'est pas, pas pour les soldats. C'est pas pour, non c'est pas, non c'est pas, pas pour les soldats. Elle appartient à tout le régiment, du caporal au commandant, en passant par sergent-major. Mais pas du tout à un seul d'entre vous. Touchez pas, touchez pas, touchez pas, touchez pas à la cantinière. C'est pas pour, c'est pas pour, c'est pas pour, c'est pas pour les militaires. Touchez pas, touchez pas, touchez pas, touchez pas à la cantinière. C'est pas pour, non c'est pas, non c'est pas, pas pour les soldats. C'est pas pour, non c'est pas, non c'est pas, pas pour les soldats. Pour être fainard, on peut toucher du bois. À la loterie, on peut parfois toucher à l'eau ou de holdo. Toucher des épaules à la lutte. Bien touché au but, mais touchez pas, touchez pas, touchez pas à la cantinière. C'est pas pour, c'est pas pour, c'est pas pour, c'est pas pour les militaires. Touchez pas, touchez pas, touchez pas, touchez pas à la cantinière. C'est pas pour, non c'est pas, non c'est pas, pas pour les soldats. C'est pas pour, non c'est pas, non c'est pas, pas pour les soldats. Touchez pas, touchez pas, touchez pas. Évidemment, l'instant c'est vivant, ils inventent. séduire des mots troublants et merveilleux, qu'il murmure et qu'il soupire chaque fois qu'il voit de beaux yeux. Tous les hommes sont les mêmes, ne croyez pas, ne croyez pas. Thank you. tata crétin, tata crétin, tata tata tata tata crétin. Tata crétin, tata crétin, tata tata tata tata crétin. Des juges à Berlin. Des juges parlent pour défendre à la ronde. Pour défendre à la ronde la veuve et l'orphelin. Il y a encore des juges à Berlin. Des juges pour défendre. Des juges pour défendre la veuve et l'orphelin. Et mon moulin. Il y a encore des juges à Berlin. Maison où le temps n'a pas d'importance. c'est le tendre refrain qui donne à mon cœur l'espérance de découvrir enfin le plus grand des bonheurs, l'avenir le plus doux, le plaisir le plus fou, quand l'amour idéal sous le ciel il partira. Chantera pour moi sa romance. Je n'aimerais que toi. mot toujours le même. Toi, à lui seul est un poème. Toi, le plus beau puisque je t'aime. Toi, et je l'espère tout brève. Toi, plus rien sur terre que toi et moi. Okay.